donc un peu les filles. Allez, vous arrêtez ! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Apprends-moi la main, crois, mon petit Pékin. Oh oui, viens avec moi. Apprendre ce ne vaut pas. Salut, c'est Eric, bienvenue ici sur l'antenne de RIG pour suivre l'émission Johnny de A à Z tous les mercredis de 22h à minuit. Oui, c'est ici RIG 90.7, rigfm.fr. On retrouve cette émission en podcast quand ça sera fait et puis même vous pouvez réécouter des émissions précédentes. Il y en a plein, il y a plus d'une centaine de podcasts qui vous attendent sur toutes les bonnes plateformes de podcasts. Et puis aussi, on peut réécouter cette émission en rediffusion le lundi de 21h à 23h sur la radio web Johnny 100% Johnny. Voilà. Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle émission Johnny de A à Z. Quel est l'album de la semaine? Il s'intitule Ça ne change pas Adam. Il est sorti le 10 décembre 1991 et c'est le 37e album studio de Johnny Hallyday. Au printemps 91 à Paris, Johnny travaille avec le bluesman Tony Joe White sur de nouvelles chansons. Et Tony Joe White est entre autres le créateur de Poxeladani, avec qui Johnny avait chanté en duo en 1984 à Nashville. Et il est un temps envisagé qu'il écrive et réalise le prochain album d'Hallyday, mais finalement, l'entreprise s'avère compliquée pour l'Américain et le projet tourne court. De cette collaboration ne subsistent que deux chansons pour cet album, Une journée et La guitare fait mal, écrite par Étienne Rodagil. On en parlera un peu plus tard de La guitare fait mal. Il y aura aussi une petite Johnny Covers dans cette émission-là. Donc, il est décidé de partir dans une autre guidance de Mick Lanaro, ancien preneur de son devenu producteur à la mode depuis le succès de Patrick Bruel et de Nouyéga York qui a permis à Claude Nougaro de revenir au premier plan. Porté par les vers d'Art Mango, Ça ne change pas un homme ça vieillit, l'album prend le contre-pied des trois précédents, écrits par un unique auteur-compositeur pour deux d'entre eux, Goldman et Berger, et unique auteur pour Rodagil pour le troisième, en proposant des titres écrits par diverses personnalités françaises, mais aussi internationales. Ce faisant, Johnny Hallyday envisage un temps de nommer l'opus Patchwork. Ça ne change pas un homme vise un style lourd de hard FM, de rock FM si vous préférez, qu'ont fait triompher des gens comme John Bon Jovi, avec le groupe Bon Jovi, et ou Huey Lewis. Les enregistrements se déroulent à Paris, puis à New York, au studio Power Station et Hit Factory, puis les différentes étapes de la production se feront à nouveau station en région parisienne, au studio Gang et à Guillaume Tell, et aussi à Montreux en Suisse. Le projet s'est nourri des différentes séances mises sur pied entre mai et octobre 91. 6 mois de travail pour un album qui ressemble aux photos qui l'accompagnent. Une balade dans différents styles au gré des rencontres, sans autre but apparent que de produire de la bonne musique, de varier les ambiances et de faire se rencontrer des créateurs qui n'avaient aucune raison de mêler leurs talents. Et le premier talent, ce sera le premier extrait de l'album qu'on va écouter, ce sera Bryan Adams avec Jim Vallance, tous deux musiciens, producteurs, auteurs-compositeurs canadiens. Et Jim Wallace écrit sur son site internet au sujet de la chanson qu'on va écouter « Tout pour te déplaire ». Cette chanson a été écrite en avril 88. Nous essayons d'écrire une chanson pour Al Green, ou peut-être nous essayons d'écrire une chanson pour Tina Turner dans un style Al Green. Enfin bref, je ne me souviens pas vraiment exactement. Quoi qu'il en soit, je pense que la chanson n'est pas adaptée au style vocal de Johnny Hallyday. Je préfère de loin la voix de Bryan Adams sur notre enregistrement de démonstration en studio. Bryan a rencontré Johnny Hallyday lorsqu'il a loué la maison et le studio de Johnny dans le sud de la France pour écrire et enregistrer avec le producteur Mood Lange. Sur son site toujours, Wallace rajoute pour un autre titre de 1994, Rough Town, cette chanson aurait été parfaite pour Paul Rogers, Lou Gramm ou Roger Daltrey. Des chanteurs au sens inné du phrasé qui jouent la langue anglaise comme un instrument. D'ailleurs, Bryan Adams a chanté une superbe voix sur la démo Home Studio et que nous avons envoyé à Hallyday. Le groupe de Johnny fait un excellent travail en répliquant et même en améliorant notre piste de démonstration, mais la performance vocale de Johnny laisse beaucoup à désirer. Il ne parvient pas à capturer le fanfaron et l'attitude que la chanson exige. Pire encore, la performance live enregistrée à la Cigale à Paris en 1994, encore une fois, le groupe est exceptionnel, mais la voix de Johnny est au mieux un doodle impressionniste. Bref, il n'y va pas avec le dos de la cuillère, le mec, là. Hein. Bryan Adams a enregistré ces deux titres, hein, mais n'ont jamais été édités. Elles existent seulement en bootlegs. On est parti pour deux heures d'émission, dans l'émission Johnny de A à Z, avec tout pour te déplaire, extrait d'album de la semaine, ça ne change pas un homme. Bonne soirée à toutes et à tous. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Terminé, Johnny. Après cette tournée d'été, il y a un album très attendu. Vous avez tout à l'heure évoqué une chanson de Bruel. Ça aussi, c'est un moment important pour vous. À chaque album, c'est une nouvelle aventure. Oui, bah, cet album, j'y tiens tout particulièrement parce que c'est un album totalement différent de tous les derniers albums que j'ai fait. C'est un album beaucoup plus son, au point de vue son, hein, je parle au point de vue son et au point de vue chance, musique. C'est un album beaucoup plus anglo-saxon ou américain que tendance française. Oui, celui-là est très, très, très, quand même très, très américain. D'abord, en dehors, à part Goldman, à part Patrick Bruel, il n'y a pas à se dire que des Anglais ou des Américains qui m'ont écrit des chansons pour cet album, c'est-à-dire Tony Joe White, c'est-à-dire Bon Jovi, c'est-à-dire Bryan Adams, c'est-à-dire Clapton, c'est-à-dire bon, des gens comme ça. Des belles rencontres. Hein. Donc, oui, bien sûr, oui. Chris Rea aussi, par exemple, bon. Et pourquoi cet album? Parce que c'est un album que je fais en français et que je fais également en anglais pour les États-Unis. C'est-à-dire que ce sera mon premier album que je fais vraiment pour les États-Unis. Mais aussi que je fais aussi en français pour la France, bien sûr. Excitant pour Johnny de sortir un album comme ça en version américaine. Je vais vous parler de Casualty of Love. Vous aviez dit que c'était pour le marché français, même si c'était une chanson en anglais. Oui, mais bon, oui, mais enfin, c'est une chanson que j'avais fait en anglais, mais je l'avais fait pour les pays de langue française, je ne l'avais pas fait pour les États-Unis. Vous savez, si on fait un album pour les États-Unis, il faut faire un album, une chanson, ça ne suffit pas. Parce que bon, comme j'ai les provisions pour faire une tournée là-bas, bon, il faut absolument que je fasse cet album en anglais. Quoi. Ah, parce que le but, c'est monter sur scène et faire une tournée là-bas, devant les ricains. Ben oui, c'est-à-dire qu'on m'a demandé de faire une tournée là-bas, qui va durer à peu près 6 mois. Mais pour ça, il faut un album. Je vais pas aller aux States et chanter en français. Grande aventure, ça, que de jouer, parce que très peu de Français l'ont fait. On le sait que c'est difficile de jouer sur scène dans le cadre d'une tournée aux États-Unis. Je sais pas, j'ai jamais chanté dans le cadre d'une tournée aux États-Unis, mais bon, on va faire des festivals de rock, des choses comme ça, un petit peu comme ici ou à l'Eva. Mais c'est bien, moi je suis très content parce que ça permet de voir un petit peu un nouveau public, de voir comment sont les gens par rapport aux gens qu'on a l'habitude de voir dans les spectacles en France. Vous avez l'impression que vous allez remettre en jeu votre chemise en allant là-bas? Non. Non. Pas du tout, non. Non, non, c'est excitant parce que c'est un nouveau public, c'est une autre façon de... C'est toujours excitant de faire un pays, travailler dans un pays qu'on ne connaît pas. Mais bon, je suis tranquille parce que bon, j'ai des gens qui vont m'accompagner là-bas en tournée. Bon Jovi va venir en tournée faire jouer de la guitare. Il y a pas mal de... Clapton aussi, il y a pas mal de musiciens qui vont venir avec moi dans cette tournée. Que votre fils... On va faire une tournée un petit peu comme l'avait faite à l'époque Mad Dogs, Englishmen, Joe Cocker, un petit peu ce genre de tournée un peu. John Hayday qui parlait d'une tournée américaine, ouais, ouais, en 1991. Encore une chose qu'on n'a pas vu du tout. C'était lors des Francofolies, le 14 juillet 1991. Johnny était au micro de France Inter. Nous sommes toujours aux Francofolies de 1991. Johnny interprète le bon ton du rock'n'roll. Vous écoutez l'émission Johnny de A à Z ici sur RUG et nulle part ailleurs. Oh! Rock and roll. À la guitare, rock and roll. Monsieur Paul Personne. Rock and roll. Rock and roll. Rock it, baby. Rock and roll. Rock, rock, rock it. Rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Être minuit à ce moment-là, hein, qu'on peut attendre ce petit bip-là. Revenons à l'album de la semaine qui est Ça ne change pas un homme, sorti le 10 décembre 1991 et le lundi 9 décembre 1991, Johnny confie sa solitude et son blues à Yves Berton du Parisien. J'ai demandé à tous les paroliers de concevoir des chansons sur le thème d'un homme seul. L'inquiétude d'un mec de mon âge qui se retourne sur son passé, se remet en cause, s'exprime mal avec sa gonzesse et n'arrive pas bien à l'aimer. Voici, oui, en l'extrait, Roxy Baby. Il y a des jours, il y a des heures où le temps est élastique. Le parfum de ta peau me rendrait trop mystique. Yeah. La semaine dernière, vous avez proposé des versions originales et des versions et la version de Johnny Hallyday. Et bien ce soir, on va faire à peu près la même chose. On va passer maintenant dans du cadre du Hard FM, voilà, avec le groupe Thunder, qui sera juste après le titre Amour Facile. Amour Facile, qui donc est une reprise du groupe anglais Hard Rock, Thunder. Et le titre original s'appelle Dirty Love et est extrait de leur premier album de 1990 s'appelant Backstreet Symphony. Voici tout de suite Amour Facile et après on écoutera la version originale. Et ce sera une version, oui, une version originale, plutôt la version live de ce titre interprété par le groupe Thunder. Écoutons à présent la version originale, mais en live du groupe Tonnerre, le groupe Thunder avec Dirty Love. Un morceau live qui va durer plus de 8 minutes. Are you ready to sing? Are you ready to dance? We'll be behind you, won't you? extrait date de 2010. Clap and sing. Da da da da da da da. Sing. Da da da da da da. que Johnny aurait pu faire une version live comme ceci. À l'instant, le groupe Thunder avec Dirty Live en live, c'était en 2010. Nous allons retrouver Johnny Hallyday dans l'émission Star 90. C'était le 27 janvier 1992 et il nous présentait Isa Chandy qui a écrit 4 titres sur l'album Ça ne change pas un homme. Et après, cette on retrouvera le titre dans un an par ou une, dans un jour. Une jeune coréenne du Sud qui a 18 ans, qui est venue en France à l'âge de 5 ans. Sans parents, vous imaginez bien, qui a été adoptée par une infirmière, un électronicien en France. Elle a maintenant 18 ans, elle est étudiante. Elle a envoyé 4 chansons à la maison de disques de Johnny. Il y a quelque chose quand même qu'il faut que je dise sur cette jeune fille, c'est que pour remercier ses parents adoptifs, elle a décidé de faire tout bien, mieux que les autres. Tu la connais pas, cette petite? Non, un jour elle est venue au studio et puis pour me rencontrer. Et elle est restée dehors, elle a eu la trouille, je sais pas, elle est repartie. Eh ben, c'est la surprise que je voulais te faire, elle est là, Isa Chandy. C'est elle, la petite coréenne. Voilà. Isa, Johnny Hallyday. Vous imaginez ce que c'est pour cette petite qui a écrit des textes. 4 de ces textes figurent sur l'album de Johnny. Merci beaucoup. J'ai dit que vous étiez arrivé en France à l'âge de 5 ans et demi, de Corée du Sud. Vous êtes donc chez nous maintenant depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui vous a donné une idée d'écrire? Et surtout, quand vous avez envoyé ces textes, vous pensiez pas bien sûr que c'est Johnny qui les chanterait? Non, bien sûr que non. Oui. J'ai envoyé des textes un petit peu au hasard. Et puis Mick Lanaro les a remarqués. Et puis voilà comment c'est parti. À quel moment vous avez su que c'était Johnny qui avait enregistré ces chansons? C'est Jacques Cardona qui a écrit la musique de Tiananmen qui a gaffé parce que Mick voulait me le dire lui-même. Et puis Jacques m'a téléphoné puisque là, on a écrit cette chanson ensemble. Et c'est lui qui a trahi le secret. En tout cas, je voudrais lui dire quelque chose. Oui, vas-y. Je vous connais pas. Je suis très heureux de vous rencontrer aujourd'hui. Et vous avez beaucoup de talent. Merci. Et c'est la preuve, c'est quand même la preuve qu'il y a des producteurs, il y a des gens dans ce métier qui lisent les textes qu'on leur envoie. Absolument, c'est rare, mais il y en a. Il y en a quand même. Vous avez 4 chansons sur le disque. Oui. Et il y en a une qu'on va écouter maintenant, puisque c'est la fin de l'émission. C'est un texte sur une musique de Morchuna, mais je laisse à Johnny le soin de la présenter, parce qu'elle est chargée d'émotions, cette chanson, et pour bien des raisons. D'abord, Mort était un très très bon ami à moi. Et j'étais en train de mixer cette chanson à New York quand j'ai appris sa mort. Donc c'est une chanson, malheureusement, notre chanson, elle ne l'aura jamais entendue. Voilà. Et je lui dédie à Mort. On dédie cette chanson dans un an, dans un jour. Chanson de Mort Schumann et de cette jeune fille que vous connaissez. Je vous souhaite bonne chance, mais à mon avis, avoir 4 chansons sur un album d'Hallyday, ça devrait pas lui nuire pour la suite. J'espère que ça n'a pas fini, il va m'en écrire d'autres. Je vous félicite, je vous accompagne, on laisse Johnny chanter dans un an, dans un jour, en pensant tendrement à Mort Schumann. Jusqu'à l'aurore, Dans un an ou un jour, Mort Schumann est décédé le 3 novembre 1991 d'un cancer du foie. Et Johnny, lors des obsèques à Londres, dépose sur la tombe de son ami une cassette contenant l'enregistrement qu'il n'a pas pu écouter. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. On retrouve au Parc des Princes en 1993, Ça ne change pas un homme. Titre éponyme à l'album de la semaine. Un titre qui est sorti des tiroirs pour les 25 ans de cet anniversaire, le Parc des Princes 93. Voici Ça ne change pas un homme dans l'émission Johnny de A à Z. Je n'ai pas cru les mots quand ils étaient trop beaux. Je n'ai pas pris les clés, je n'ai rien refermé. Mais je les ai usés, ces chemins buissonniers. Au mûrier de béton, le nez dans le goudron. Oui, j'ai grandi dans la rue, avec au bout des poings des tessons de refus plantés dans mon destin. Pour n'avoir rien voulu, je n'ai rien retenu. Pour n'avoir rien touché, je n'ai rien refermé. Ça ne change pas un homme, un homme de sa vie. Ça ne meurt pas un homme de sa sublime. Ça ne change pas un homme de sa vie. Je n'ai pas cru la vie, ni l'amour, ni les filles. Je n'ai pas pris de temps, je m'attendais devant. Et je les ai brûlés, mes châteaux de papier. Avec de vrais serpents, avec de faux semblants. Ça ne change pas l'homme. Un homme sa vie. Ça ne meurt pas un homme sa vie. Ça ne change pas un homme sa vie. Ça ne meurt pas un homme. Pour n'avoir jamais cru, je n'ai jamais vécu. Pour n'avoir jamais su, mon père, je te salue. change pas un homme, un homme sa vie. Ça ne meurt pas un homme, un homme sa vie. Ça ne change pas un homme, un homme sa vie. Ça ne change pas un homme au Parc des Princes, c'était le 18 juin 1993. Revenons à l'album de la semaine qui est Ça ne change pas un homme, sorti le 10 décembre 1991. Et il y a deux chansons que le groupe Bon Jovi a écrit, hein, ont composé du moins, Le nom que tu portes et Cadillac Man, donc composé par John Bon Jovi et Richie Sambora qui jouera de la guitare sur ces deux titres-là. Le titre qu'on va écouter, ce sera Cadillac Man, une chanson qui a été adaptée par Philippe Labro, qui n'a plus écrit pour Johnny depuis 1984 avec Ne tuez pas la liberté. On écoute tout de suite Cadillac Man. Et après, on écoutera la version du groupe Bon Jovi à Osaka en 1991. Toute ma vie, j'ai roulé sur des routes incertaines et inhumaines. Pas de valise, pas d'enfant, pas de femme. Aucune chaîne. Et dans cette voiture pourrie, il y a des souvenirs d'amour qui sont morts en une nuit. On s'aimait en Texas, on ne s'aime plus en Californie, le temps que la route défile. De ville en ville, je ne sais plus bien ce que j'allais chercher. Et dans la lumière de mes phares aveuglés, j'ai cru voir tout mon passé qui défilait, halluciné. Je ne suis rien qu'un fantôme qui roule le long des routes. Je ressemble à tous ceux que j'ai connus sans doute. J'ai cru ces filles, ces hommes, ces pauvres mondes. Je ne suis rien qu'un fantôme. Je suis un menteur, je suis un amant, un loser, un enfant, un cow-boy, un marin, un bagnard, un gitan, un cinglé, un poète, une putain, une maman, je suis rien qu'un fantôme. Dans ma vieille caisse usée, on brûlait des milliers de cigarettes. Ma vie comme un nuage, t'aurais voulu au moins conserver ton image. T'es connu à Phoenix, je t'ai perdu à Vegas, tant que la route passe. un fantôme qui roule le long des routes. Je ressemble à tous ceux que j'ai connus sans doute. Je suis toutes ces filles, ces hommes, ces pauvres mondes, rien qu'un fantôme. Je suis un menteur, je suis un amant, un loser, un enfant, un cow-boy, un marin, un bagnard, un gitan, un cinglé, un poète, une putain, une maman. Je suis rien qu'un fantôme. Ces filles, ces hommes, ces beaux mômes, rien qu'un fantôme. J'ai compté les chemins parcourus, temps perdu. J'avais plus qui j'étais, où j'étais, quand le matin est venu. Et le moteur s'est tu, et je suis sorti pour voir ma Cadillac accoutue. Et ça m'a fait marrer cette pauvre chose, délabrée, qui ressemblait à mon passé. Je suis rien qu'un fantôme qui roule le long des routes. Je ressemble à tous ceux que j'ai connus sans doute. Je suis toutes ces filles, ces hommes, ces pauvres mômes, rien qu'un fantôme. Je suis un menteur, je suis un amant, un loser, un enfant, un cowboy, un marin, un bagnard, un gitan, un cinglé, un poète, une putain, une maman, rien qu'un fantôme. Rien qu'un fantôme, je ne suis rien qu'un fantôme, rien qu'un fantôme, rien qu'un fantôme. Écoutons à présent la version originale de Bon Jovi. On les retrouve au Japon, à Osaka, en 1991. Alors évidemment, on va écouter leur version, mais c'est une... Oui ? Vous entendez le son déjà, il n'est pas terrible. Mais, ouais. Mais c'est une vidéo qu'on retrouve sur YouTube, il n'y a pas de souci, aucun souci. C'est la meilleure qualité que nous puissions avoir. Donc, un bootlegs. This is a song that we wrote, we haven't played since we've been here in Japan, I don't think. Right? This is called Cadillac Man, or as it's known here in Japan, Cadillac Man. RIG, la radio de John Hallyday, les mercredis soirs, de 22h jusqu'à minuit. Drive away from the feelings of fear.

Cadillac Man, le groupe John Bon Jovi, Bon Jovi, à Osaka en 1991. Revenons à l'album de la semaine qui est Ça ne change pas un homme. On écoutera tous les titres de cet album-là. Les 14 titres, il me semble bien ça, 14 titres, soit en live, soit en version studio. Dans le magazine Platine en janvier 1996, Mick Lanaro déclarait « À l'idée, je m'en suis fait un ami, car c'est quelqu'un de très attachant. Même s'il a une autodestruction qui a fait sa réputation, il a un regard très juste sur la vie, avec ses mots, et il a vite fait, comme on le lui fait dire, de remettre les pendules à leur place. Je l'ai vu refuser des textes que des auteurs connus lui avaient proposés. Il a une espèce d'instinct très fort, et il y a des choses qu'il ne peut exprimer, mais il les sent. » Donc Mick Lanaro, le producteur de l'album « Ça ne change pas un homme ». Et le prochain titre qu'on va écouter, c'est ce jeu-là, avec des paroles de Isa Chandy. écoutez l'émission Johnny de A à Z ici sur RIG de 22h jusqu'à minuit tous les mercredis soirs. Oui, oui, bien sûr. C'est comme ça. Et c'est comme ça depuis 20 ans. À présent, nous allons retrouver un petit épisode de la mini-série que j'avais proposé en 2020. C'était les Johnny Covers. Et j'avais fait un épisode sur le titre La guitare fait mal. Salut, c'est Eric. Bienvenue Salut, pour Eric. Un nouvel épisode de Johnny Covers. Au printemps 1991, à Paris, Johnny travaille avec Tony Joe White sur de nouvelles chansons. L'Américain est même pressenti pour la réalisation du nouvel album d'Hallyday, mais le projet tourne court. Deux chansons toutefois voient le jour de cette collaboration, La Tournée et La Guitare Fait Mal, toutes les deux écrites par Étienne Rodagil. Toute la nuit, il a joué sur sa guitare, au fond, un vieux café. Un peu de soleil sur le gaudron mouillé, et les gens s'en vont, le jour va se lever. C'est la dernière chanson d'un amour blessé. Il y a la guerre quelque part, et loin du café. Comme un amour bizarre, il ne peut jamais rentrer. Tout ça est normal, et la guitare fait mal. La guitare fait mal est une chanson de Johnny Hallyday sortie sur l'album Ça ne change pas un homme en 1991. Sur la première impression de cet album, La guitare fait mal est créditée à Étienne Rodagil et Tony Joe White. En effet, on a cru que Étienne Rodagil, ayant craqué pour un morceau de Tony Joe White, avait rédigé l'adaptation en autre langue. En réalité, il s'agit à l'origine d'une composition de Joe Dassin sur un texte de Claude Lemel, Le marché aux puces, paru dans notre langue sur Blue Country en 1979. Je l'ai croisé un jour près du marché aux puces où je faisais un saut. L'histoire de me fringuer, un gramophone jouait de fausses chansons russes sur un rouleau grinçant comme un portail rouillé. Aussi, Tony Joe White l'avait adapté pour Joe Dassin sous le titre de Guitar Don't Lie en 1980. C'était le dernier 45 tours du chanteur. Cette chanson monta jusqu'à la place 12 dans les hit-parades français. Songs a broken heart, and his worn out his love, and his last pair of jeans. But you keep going on when you're living on dreams, and you're feeling inside, and the guitar don't lie. Rendons à César ce qui est à César. La seconde édition de l'album, uniquement en CD, de Ne ça change pas un homme, crédite cette fois Claude Lemel, Joe Dassin et Étienne Rodagil aux dépens de Tony Joe White, qui n'est plus nommé. La version de Johnny est réalisée par Tony Joe White au studio Gang, avec l'aide des mythiques Dead Hood à la basse et Roger Hawkins à la batterie, deux des quatre piliers des Muscle Shoals Sound Studio. Finalement, Tony Joe White se penche à son tour sur son morceau dans son album Lake Placid Blues en 1995. Some nights it gets old and makes him aware the time is slipping away. If you look close at his dark curly hair, under the lights there's traces of gray. But he knows what it's all. En 1992, lors du spectacle de Johnny Hallyday à Bercy, La guitare fait mal est l'un des morceaux forts du programme. Le bluesman Luther Allison, accompagnant le chanteur sur ce titre, faisait une grosse impression en improvisant sur la mélodie. En septembre 1992, La guitare fait mal est la face B du single True to You. En 1992, Philips propose la guitare fait mal en divers formats, compact disque, cassette, vinyle. Et cette dernière formule a la particularité d'avoir une face A tournant en 45 tours avec la version live de Toulouse, Johnny avec un début de trachéite, et l'autre face, donc la face B, en 33 tours avec deux titres de Bercy 92, La guitare fait mal et True to You. Il attend la nuit. Et cette femme aussi. Comme on attend, où est son dernier train? Qui va l'emporter vers son vrai destin? Et tout ça est normal. Et la guitare fait. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Johnny Covers. Et comme toujours, on se retrouve tous les mercredis, de 22h jusqu'à minuit, pour l'émission Johnny de A à Z sur RIG. À bientôt à toutes et à tous. Ciao, ciao. Ciao, ciao, Eric. À bientôt, peut-être. Voici la version originale que je vous propose. Joe Dassin, Le marché aux puces, extrait de son album Blue Country, le dernier album de Joe Dassin. Je l'ai croisé un jour près du marché aux puces où je faisais un saut, histoire de me fringuer un gramophone joué de fausses chansons russes sur un rouleau grinçant comme un portail rouillé. Elle n'avait l'air de rien. Elle n'était pas grand-chose, et pourtant sans savoir pourquoi, je l'ai suivie. Tu hésites un moment, tu n'oses pas, puis tu oses. Un moment de culot va bouleverser ta vie. De Clignancourt, un café sous la flotte. Elle s'était acheté du tabac à rouler. Je n'ai su que plus tard que c'était sa marotte. On se défoule comme on peut se défouler. Elle n'avait l'air de rien. Elle n'était pas grand-chose. Voulez-vous prendre un verre, un pastis de halal? Souvent les grands méfaits ont de petites causes. On a pris l'apéro, le repas dure encore et encore et encore. De temps en temps, on reprend l'autobus, le 166, direction Clignancourt, et on va faire un tour dans ce marché aux puces,

J'ai la solution sous de quelques verres. C'est que j'avais peur que les autres me voient comme je vois les autres. J'avais si peur de moi. Simplement, j'ai une question pour vous. Vous voulez que ça continue? Oui. Eh bien alors, juste après la pub. Hallyday by Hallyday. Johnny et la publicité. Ouais, c'est sérieux. Tu peux faire le tour de la terre. Elle sera toujours avec toi. Tu peux faire le tour de la terre. Ce que tu vois, tu retiens la lumière, tu n'es plus solitaire, la vidéo est là pour tout recommencer pour toi. Continental Edison. Vidéo portable Continental Edison. Les loisirs vont mieux. Waouh, c'est sérieux. Oh oui, ma vie, c'est la musique. Écoute cette fille qui m'appelle. Son nom, c'est guitare électrique. Pour moi, c'est la plus belle. Continental Edison. Haute fidélité, Continental Edison. Les loisirs, mon vieux, waouh, c'est sérieux. Bon, maintenant, on va essayer de continuer un peu de musique. Par une Comfort, extrait de l'album de la semaine Ça change pas un homme, sorti en 1991. Isa Chandy signe l'adaptation du titre Le nom que tu portes, qui a été composé par le groupe Bon Jovi pour son album Slippery When Wet en 1986, mais qu'il n'utilisa pas. Elle s'appelait alors le titre You're Not My Lover But You Were Last Night, repris en 1987 par le groupe Dalton sur l'album The Racism. Et c'est ce titre-là qu'on va écouter tout de suite dans l'émission Johnny 2 à Z. Le chanteur a une voix très similaire à celle de Bon Jovi, de John Bon Jovi. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Allez, on va partir à Bercy en 1992. Évidemment qu'on va écouter ce titre, ce fabuleux titre, La guitare fait mal, avec le guitariste Love Allison. Quelque part, et loin du café, on pour un amour bizarre. Il ne peut jamais rentrer, tout ça est normal. Et la guitare fait mal. La femme qui vient le soir s'habille en noir. Elle sourit. Toute son histoire. Et c'est son parfum qui traîne dans le matin. On empile les chaises pour balayer. C'est toute une histoire qu'il faudrait oublier. Mais tout ça est normal. Et la guitare. Qu'on va écouter de cet album de la semaine Ça change pas d'un homme et le titre True to You, qui est une chanson écrite par Chris Rea. Il a également enregistré en anglais et publié comme le quatrième titre sur son EP Winter Song, sorti en 1991. Pour l'instant, on va écouter la version de Johnny et juste après, celle de Chris Rea. Trous noirs où l'on s'abandonne, se laissant personne pour qu'en sursaut on repart à l'assaut. Because I'll be true to you. Il y a des soirs où l'arbre qu'on croit mort, la sève encore. Voici la version de Chris Rea, True to You. Ah, J'aime beaucoup cette version de Chris Rea, True to You. Autre extrait de l'album de la semaine que nous allons écouter d'ici quelques secondes, c'est que j'en regarde, c'est Une Journée, un titre qu'a composé Johnny Joe White et que les paroles ont été écrites par Étienne Rodagile. On retrouve la chanson Une Journée sur l'album Dangerous de Johnny Joe White en 1983, un excellent album que je vous conseille d'écouter, sous le titre Do You Have a Garter Belt. D'abord Une Journée par Johnny Hallyday et après la version de Johnny Joe White. Voici la version originale de Trincher White, Do You Have a Garter Belt, qui dure un peu plus de 2 minutes 30 secondes. Down long, like the way your voice sounds on a telephone. You know you look sexy in tight blue jeans, but there's one thing I've got to ask you, please. Do you have a garter belt? Would you wear stockings? Do you have a garter belt? Would you wear stockings? I don't mean to put no heat on you, but I wonder if you feel the way I do. You don't have to worry, cause it's alright. I ain't khaki, baby, but I know what I like. Do you have a garter belt? Would you wear stockings? If I call out for help, just keep on rocking. Ow, ow, ow, ow. Do you have a garter belt? Would you wear stockings? If I call out for help, just keep on rocking. Ow, ow, ow, ow. Do you have a garter belt? La version originale de Tony Joe White qui est disparue en octobre 2018 avec ce titre, il a bien chanté, Do You Have a Garter Belt? Et Johnny aurait eu un faible pour Michelle White, donc la fille de Tony Joe White, une relation qui inspira à cette dernière une chanson gaiement moteuse. On pense que c'était pendant la période où Johnny ou Adeline allaient partaient, revenaient, voilà. Et dans cette chanson, avec gentiment moqueuse, tu possèdes une maison dans le sud de la France, tu penses être un mauvais garçon, mais laisse-moi te dire que j'ai déjà vu bien pire. De jolies filles font la queue, attendant que tu les embrasses. Je ne suis pas sur cette liste. Sur le livret de son CD, la chanteuse écrit « Oserais-je préciser que ceci fut écrit à propos d'une rockstar du rock français ? C'est ma façon de lui dire, de lui faire savoir que je ne suis plus dangereuse qu'il n'imagine. On ne badine pas avec le Texas. » Et on retrouve ces paroles-là dans sa chanson « Cookie Jar », extrait de son album « Memphis » en 1997. On arrive maintenant à l'avant-dernier extrait de l'album « Ça ne change pas un homme » sorti en décembre 91, c'est le titre qu'a écrit une nouvelle fois Patrick Bruel. On l'a écouté tout à l'heure en duo sur Et puis je sais dans l'album live Rien ne s'efface en 2005. Puis Patrick Bruel a repris cette chanson-là en 1995 sur son album live On s'était dit. On va écouter d'abord la version de Johnny, puis après celle de Patrick Bruel. Puisqu'après, c'est vu que c'est les versions originales, versions reprises et compagnie, hein, vous comprenez un peu, hein, vous avez compris. Vous avez compris le principe, ouais. Passé tellement de temps à regarder en arrière, à voir passer des gens au regard éphémère. J'ai passé tellement de nuits à courir derrière tout, à courir vers ma vie pour ne pas devenir fou, à croiser des destins faits de haine et d'ennui. Larmes versées pour rien au milieu de mes nuits. J'ai peut-être joué ma vie sous de drôles de lumière, mais j'ai toujours pensé que le plus beau reste à faire. Pour exister et pour gagner toutes les batailles que le temps me force. disais rien, obligé de me défendre, en tout aller trop loin. Il m'a fallu tomber le si haut quelquefois, pour savoir que les autres ne savent pas pour toi. On a tout dit sur moi, même des vérités. J'ai défié toutes leurs lois, mais je n'ai pu éviter ces sourires qui allaient souvent jusqu'à faire peur, mais qui ont fait de moi le plus fou des acteurs pour exister. C'est tellement d'heures à me demander pourquoi mes plus belles erreurs étaient toujours pour toi. Je vois bien dans tes yeux que tu es déjà parti, tu ne m'écoutes plus. Je continue ma vie pour exister. Pour exister. Pour exister. Allez, on va se passer de la version de Patrick Bruel. Il est tard, nous sommes déjà à plus de 2 heures d'émission et on va passer au dernier titre de la soirée. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Nous sommes de retour à Bercy en 1992. L'album s'achève. Ça ne change pas d'un homme, hein, puisque c'est l'album de la semaine, sur la chanson Tiananmen, une chanson qui évoque la répression brutale par les autorités chinoises des manifestations de la place Tiananmen en juin 1989. Les paroles sont écrites par Isa Shandy, une étudiante coréenne âgée de 19 ans. Elle signe également les paroles donc de Dans un an, dans un jour. Ce jeu-là est le nom que tu portes. Petite anecdote encore, Claude Nougaro a proposé un texte nommé « J'ai mené ma vie à tombeau ouvert et à guichet fermé ». Mais faute d'être accompagné d'une musique, il ne fut pas retenu. Voici tout de suite Tiananmen, John Hayden à Bercy en 1992. Cirque de pierre sous le soleil de juin. Les hommes assis par terre ont pavé le destin. pourtant hier c'est déjà si loin. Un printemps comme les autres que celui de Pékin. À qui est-ce la faute si on n'en dit plus rien? C'était pourtant hier, qu'en ferons-nous demain? Qu'en ferons-nous demain? À force de subir les coups, il y a des cris que l'on n'entend plus, des voix qui n'ont plus d'autre issue que de mourir sans nous dire. À force de haïr les fous, il y a des hommes qui lèvent leur chaîne pour y peut-être une aile debout. Oh, tiens, merde. Tiens, merde, merde, merde. Une génération muselée, mutilée. Et ces révolutions qu'on n'a pas écoutées. Et pourtant hier c'est déjà oublié. Mais ce n'est rien. Si le corps évacué brûle toujours la flamme, que rien n'éteint non plus à l'écueil de son âme. Tout encore aujourd'hui et ce sera demain. Et ce sera demain. À force d'assumer les coups, il y a des cris que l'on n'entend plus, des voix qui n'ont plus d'autre issue que de mourir sans nous dire. Oh, à force d'haïr les fous, il y a des hommes qui lèvent leur chaîne pour y peut-être mettre debout. Oh, tiens la merde. Oui, tiens la merde. Cette émission Johnny de A à Z avec l'album de la semaine Ça ne change pas un homme et avec aussi les versions originales ou adaptations. Je vous remercie toutes et tous d'avoir écouté, participé, et puis merci encore pour votre fidélité à cette émission Johnny de A à Z ici sur RIG tous les mercredis de 22h à minuit. À bientôt à toutes et à tous. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. R.I.G. Oh, la marche, c'est vachement plus ordonné que ça. R.I.G. 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7.